Ashratu sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps, qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. Faqad kafara bil Qur'an. Idha ash-shamsu kuwirat, wa idha an-nujumu kabarat, wa idha al-jibalu suyirat, wa idha al-isharu uttilat, wa idha al-wuhushu hushirat. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما بعد، بحمد الله عز وجل وبحوله سبحانه وتعالى. On va terminer بإذن الله جل وعلا la série concernant أشراط الساعة, donc les signes de l'heure, les signes de la fin des temps, lors de cette nuit bénie. وبالله التوفيق. Donc ce soir, inshallah ta'ala, on va traiter les derniers signes de la fin des temps. باختصار بإذن الله عز وجل. Je vais essayer de les résumer, inshallah ta'ala. Donc essayer d'être concentré et on va essayer d'être le plus bref et concis possible بإذن الله عز وجل. Parmi les derniers signes de l'heure, il y a ce qu'on appelle les trois engloutissements, avec une traduction approximative. On va parler de ces trois engloutissements, on va parler de Ad-Dukhan, on va parler de Ad-Dabba, la bête. Qu'est-ce que c'est que la bête? Est-ce que c'est un être humain ou pas? On va parler de cela dans les détails, inshallah ta'ala. On va parler du rassemblement, on va parler du feu qui va pousser les gens à la terre du rassemblement. On va rappeler, est-ce que la terre du rassemblement ou cet événement se passera avant ici le soufflement dans la trompe ou bien après, avant la résurrection ou bien après, bi'idnillah azza wa jal, on va résumer tous ces points. Bismillahir Rahmanir Rahim, on commence avec les trois engloutissements. Ça c'est les derniers signes qu'on n'a pas encore traités. Ça c'est les derniers grands signes qu'on n'a pas encore traités. On parle d'abord des trois engloutissements. Le prophète alayhi salatu wa salam en a parlé et Allah jalla wa ala nous rappelle c'est quoi un engloutissement. C'est pour ça que quand on parle d'engloutissement ici, on dit qu'un lieu a été englouti lorsqu'il disparaît sous terre. Un lieu a été englouti, d'accord, lorsqu'il disparaît sous terre. Donc on parle de ce type d'engloutissement. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Ici, pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un engloutissement, Allah Jalla wa Ala dit, nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. D'accord? Donc il y aura trois engloutissements rapportés par l'imam muslim. Selon Hudayfa ibn Asid radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, l'heure ne viendra pas, inna sa'a lan taqum, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous voyez 10 signes. Et il cita parmi eux et trois engloutissements. Il dit alayhi salatu wassalam, fa dhakara minha wa thalathata khusuf, خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ. Le prophète a dit que ça fait partie des signes de l'heure. Et il dit qu'il y aura trois engloutissements. Il dit, alayhi salatu wassalam, un en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. قَوْلُ الرَّاجِحْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ, parole prépondérante des gens de science, c'est qu'ils n'ont pas encore eu lieu. Donc il y aura trois grands, trois impressionnants engloutissement. Un en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. Bi'idnillah azza wa jal. Ça, ça fait partie des grands signes de l'heure. Parmi les grands signes de l'heure, il y a ce qu'on appelle Ad-Dukhan, la fumée. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Est-ce qu'Allah jalla wa ala l'a cité dans le Coran ainsi que son messager alayhi salatu wa salam? Na'am. Allah jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يغشى الناس هذا عذاب أليم. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate Ad-Dukhan, Allah il parle dans Sourate la fumée, il parle de cette fumée, une fumée qui fera partie des grands signes de l'heure. Il dit subhanahu wa ta'ala, eh bien attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens, ce sera un châtiment douloureux. Donc ça nous rappelle que cette fumée, ça sera un châtiment douloureux. Est-ce que c'est pour l'ensemble des gens ou pas? On verra que non. La preuve de cela, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, et ça c'est un hadith ici jugé bon. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, votre Seigneur vous met en garde contre trois choses. La fumée qui prendra le croyant comme un rhume. Donc il y aura une fumée. D'accord? On a parlé de trois grands ou impressionnants engloutissements. Mais il y aura quoi? Encore une fumée. Mais le croyant, comment il va réagir quand il sera pris par cette fumée? Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, la fumée qui prendra le croyant comme un rhume. D'accord? Comme un rhume. Donc pas quelque chose de grave. D'accord? De très mauvais pour lui. Mais concernant celui qui n'a pas cru et qui prendra le mécréant qui se gonflera jusqu'à ce qu'elle sorte de ses oreilles. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala l'a rapporté et dit, c'est un hadith jugé bon, bien que d'autres gens de science l'ont jugé faible. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit, Mujahid rahimahullah ta'ala a dit, Al-Qurtubi rapporte de Mujahid. Mujahid ici, c'est un imam connu par les gens de science comme étant un grand savant, comme étant un imam. Clair? Et ici, il côtoya énormément Ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire Mujahid. Il a côtoyé énormément Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi. Et il a pris de lui la science du tafsir. C'est pour ça qu'on retrouve souvent dans les livres de tafsir, qala Mujahid. Mujahid a dit, rahimahullah ta'ala, il est décédé en 102 ou 103 de l'Hégire. Donc Al-Qurtubi rapporte que ici Mujahid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a a dit, Ibn Mas'ud disait, il y a deux fumées dont l'une est apparue et celle qui reste remplira l'espace entre le ciel et la terre. Le croyant n'en ressentira qu'une sorte de rhume, tandis que pour celui qui n'a pas cru, elle transpercera ses oreilles. Ici, Ibn Mas'ud, il parle de deux fumées. Pourquoi deux fumées? Car ici, il y en a une qui a déjà eu lieu, d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, qui a déjà eu lieu quand le prophète, alayhi salatu wasalam, donc à l'époque du prophète, quand il a invoqué contre Quraysh. Ensuite, une famine les a touchés jusqu'à ce qu'ils mangeaient des cadavres et des os. Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi, ici dit, car la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, ici devance, il n'est pas impossible qu'il y en a deux. Donc ici Ibn Abbas, il nous rappelle que c'est la parole du prophète alayhi salatu wasalam qui devance la parole d'Ibn Mas'ud. Ça c'est l'ijtihad d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, et il dit on reste avec la parole du prophète alayhi salatu wasalam qui nous dit, d'accord, ici qui nous a apporté des propos qui nous rappellent qu'elle n'est pas encore venue. Ala kulli hal, il n'est pas impossible, comme disent les gens de science, qu'il y en a deux. Une qui a déjà touché ici certains Quraishites à l'époque du prophète quand le prophète a invoqué contre eux, et l'autre qui va arriver bien sûr et qui fait partie des grands signes de l'heure, parce que le prophète a dit que quoi? Cette fumée fera partie des grands signes de l'heure. Donc ici on peut considérer qu'il y en a deux, comme on dit les gens de science. Ou peut-être que ici ce n'était pas la fumée dont laquelle le prophète alayhi salatu wasalam parlait, celle qui a eu lieu à l'époque ici où le prophète a invoqué contre les Quraish, c'est-à-dire ceux qui étaient les dénégateurs parmi les Quraishites. Mais ici, c'est la réelle fumée dont le prophète alayhi salatu wasalam a évoqué qui va venir, mais qui va venir. Ce n'est pas qu'il y a eu lieu, qui va venir, c'est-à-dire qui fait partie des grands signes de l'heure. Wallahu a'lam. Parmi les grands signes de l'heure aussi, il y a le lever du soleil de son couchant. Ça, c'est un signe que la majeure partie des gens connaissent ou ont entendu parler du moins. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que la plupart des signes qu'on a cités, illa man rahimallah, la plupart des gens ne les connaissent pas. Et la personne qui ne connaît pas et prend pas conscience de ces grands signes et des petits signes de l'heure, ici c'est une cause qui va faire que la personne va se noyer encore plus dans l'insouciance. Mais quand la personne va prendre en considération tous les signes de la fin des temps et surtout les grands signes de la fin des temps qui font peur, na'am, qui font énormément peur, et ici qui poussent le croyant à rester sur ses gardes, la personne ici est poussée à rester sur ses gardes. Donc elle s'écarte plus ou du moins un peu plus de l'insouciance, al-rafla, que la première personne qui est très loin de connaître les signes de la fin des temps, les petits et peut-être même encore moins, lil-asafi shadid, les grands signes de l'heure. Et c'est pour ça que les gens s'amusent et abandonnent la religion, illa man rahim Allah, comme si rien n'était et comme si rien n'allait se passer alors que là on parle même pas de l'maut, la mort, on parle même pas de l'qabr, on parle même pas du jour de la résurrection, on parle même pas de sirat, on parle même pas de l'enfer, ça on parle juste des signes de l'heure et de la fin des temps. Ça va être des épreuves terribles. Et on a parlé de l'Messie Haddajjal, et là on va parler de Dabba, on a parlé ici des trois engloutissements, on a parlé de Dukhan, et il y a d'autres signes qui vont venir, qui nous rappellent qu'on doit rester sur nos gardes. Surtout maintenant où les petits signes sont passés. On attend les grands signes de la fin des temps qu'Allah Jalla wa Ala nous éprouve, ou nous plutôt, afwan, qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve des épreuves de l'Messie Haddajjal et nous préserve de l'égarement et de la mécréance lors de ces grandes épreuves. Parce que tellement que ces grandes épreuves seront terribles, qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient, qui vont glisser et qui vont être attirés par l'Messie Haddajjal et qui vont tomber dans le kufr, wal'iyadu billah. Donc personne n'est à l'abri de l'égarement. Donc jusqu'à ton dernier souffle, tu dois être sur tes gardes. Donc on a dit qu'il y aura ici le soleil, ici qui se lèvera de son couchant. À ce moment-là, vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, et je le dis dès maintenant parce que la majeure partie des gens connaissent ce hadith-là, quand le soleil va se lever de son couchant, at-tawba ne sera plus acceptée, le repentir ne sera plus accepté. Donc ici, quand la personne est sur son lit de mort et que l'âme, al-ruh, ou bien al-nafs, ici arrive entre eux, les deux clavicules, ça est tué dans le gharghara, l'âme va sortir, at-tawba aussi n'est plus acceptée. Mais pas que lors de la mort, c'est-à-dire quand ton âme va sortir, mais aussi au moment où le soleil se lève de son couchant. At-tawba, le repentir, ne sera plus accepté. Et qawlu rajih min ahli al-ilm, quand ad-dabba va venir aussi, khlas, le repentir ne sera plus accepté. Et ici le prophète alayhi salatu wasalam a dit que quand le soleil va se lever de son couchant, tout le monde croira. Mais ça sera trop tard. Khlas, parce que ça sera tellement clair. Tellement ici clair que il y a quelque chose d'anormal, de plus qu'impressionnant, et que le signe sera tellement répandu et connu maintenant à ce moment-là que beaucoup de gens vont dire ça ikhlas, aman tu billah, walakin ikhlas, c'est trop tard. Que tu veux te repentir ou pas, ici la porte du repentir sera fermée. Tandis que maintenant al-an al-bab bab at-tawba maftouh. Ici la porte du repentir maintenant elle est ouverte. Donc ici il faut pas attendre ce jour-là où le repentir ne sera plus accepté, ou bien le jour où ton âme va arriver entre les clavicules, les deux clavicules, et que tu veux te repentir ou que tu veux revenir, ça sera trop tard aussi. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. يَوْمَ يَأْتِ بَعْدُ آيَاتِ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ. Et le prophète عليه الصلاة والسلام ici il rappelle que certains signes cités dans le verset désignent le lever du soleil de son couchant, et c'est l'avis de al-jumhur, la majeure partie des gens de science et des savants de at-tafsir, de l'exégèse. At-Tabari rahimahullah ta'ala a dit, après avoir cité les avis, d'accord, des mufassirin ici au sujet de ce verset, il dit At-Tabari, la parole la plus proche, la plus prépondérante est celle tirée des informations rapportées du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, à savoir qu'il a dit cela sera lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Donc Allah Jalla wa Ala, d'après les exégètes, donc on dit qu'Allah a parlé de quoi? De ce grand signe où le repentir ne sera plus accepté. Le jour où le soleil va se lever de son couchant. Dans la sunna, est-ce que le prophète en a parlé de ce jour-là? Où le soleil va se lever de son couchant? Na'am. Le prophète alayhi salatu wassalam, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu wa arda, il a dit, l'heure ne viendra pas. La taqoum as-sa'a hatta tatlu ash-shams min maghribiha, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsqu'il se lèvera et que les gens le verront, le soleil va se lever, mais de son couchant, et les gens le verront, ils croiront tous, le prophète l'a dit, tout le monde va croire, khlas, même celui qui ne croyait pas, qui ne se disait pas musulman, qui était contre l'islam, qui était, tout le monde va croire, khlas, c'est pour ça que le repentir ne sera pas trop, ou ne sera plus accepté. Pourquoi c'est trop? C'est trop facile, khlas, le signe il est tellement clair, et c'est la preuve que ça sera tellement impressionnant, pour que ça atteigne le degré que tout le monde va croire, où tout le monde va croire, c'est que ça va être plus qu'impressionnant. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, tout le monde croira, mais cela lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wasalam nous parle de Ash-Shams, le soleil. Et il va nous rappeler encore ceci, mais il va nous rappeler aussi et nous montrer la puissance d'Allah Jalla wa Ala et la soumission même de Ash-Shams, le soleil. Il dit alayhi salatu wasalam, et il parle du soleil, il dit il vogue, le soleil, il vogue jusqu'à aboutir à son gîte tahta al-arsh, sous le trône. Donc le soleil, il vogue jusqu'à arriver sous le trône d'Allah Jalla wa Ala. Alors, il se prosterne. Ash-Shams, il parle du soleil. Et le soleil se prosterne sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Il dit, alayhi salatu wa salam, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim fil Sahihain. Il se prosterne et ne cesse de rester ainsi, c'est-à-dire prosterné, jusqu'à ce qu'il lui soit dit, lève-toi et retourne d'où tu es venu. D'accord? Donc le soleil vogue. Clair? Quand ici c'est le jour, dans un autre pays ce n'est pas le jour. Donc il vogue le soleil. Et il va se prosterner sous le trône d'Allah Jalla wa Ala jusqu'à ce qu'il lui soit ordonné de retourner d'où il est venu. Comme a dit alayhi salatu wa salam. Il retourne donc, c'est-à-dire le soleil, et se lève au matin de son levant. Puis il vogue jusqu'à aboutir à son gîte, encore une fois, sous le trône. Et ça, ainsi de suite. Alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi, c'est-à-dire prosterné, jusqu'à ce qu'il soit dit au soleil, « Lève-toi, retourne d'où tu es venu. » Il retourne donc et se lève au matin de son levant. Puis il vogue sans que les gens n'y trouvent quoi que ce soit, c'est adi, jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône et qu'il lui soit dit, « Dresse-toi, lève-toi au matin de ton couchant. » Il se lèvera alors le matin ou au matin de son couchant. Le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, demanda, « Savez-vous quand sera ou quand cela aura lieu ?» Et le prophète dit, « Ce sera lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. » Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, il rappelle que le soleil se prosterne. Allah, Jalla wa Ala, dit dans le Coran al-Karim, « Tout ce qui est dans les cieux et la terre, ici, se prosterne, Ash-Shams wal Qamar, la lune, se prosterne, ou alors, ils évoquent Allah Jalla wa Ala. Ils font le tasbih, subhanallah, ça c'est Allah qui le dit dans le Coran al-Karim, c'est-à-dire, tous les habitants des cieux de la terre, illa, sauf qui? Sauf ceux qui ont mécru parmi les djinns et al-ins, les êtres humains et les djinns. Amma les animaux, amma le soleil, amma la lune, tout se prosterne et glorifie Allah Jalla wa Ala. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la tafqahoun, ici vous ne comprenez pas, ils vont le faire, mais vous ne comprenez pas. Mais est-ce qu'ils le font? Na'am. Pourquoi? Allah Jalla wa Ala l'a dit. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit. La manière, Allah ta'ala a'lam wa ahkam, est-ce qu'on peut assimiler ici cette manière de se prosterner du soleil à nous les êtres humains? Non. Est-ce que ça nous a été demandé? Non. Nous, ce qu'on doit reconnaître, c'est que le soleil se prosterne. Où ça? Tahta al-arsh, sous le trône, car c'est Allah Jalla wa Ala qui l'a mentionné ici, et c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a mentionné dans les détails. Allah Jalla wa Ala a rappelé dans le Coran que le soleil se prosterne, et le prophète l'a dit dans les détails, c'est-à-dire à quel moment il se prosterne et où il se prosterne, sous le trône. Donc on ne va pas plus loin, mais ça nous rappelle la grandeur, la puissance de qui Al-Malik, le roi. Le jour où il y a des gens qui par orgueil, ou par vanité, ou par paresse, ont du mal à se prosterner pour le Seigneur des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous rappelle que tout glorifie Allah Jalla wa Ala. Le soleil se prosterne. Quand toi tu te prosternes, Abdallah, rappelle-toi que même le soleil, ici, de façon répétée, il ne cesse de se prosterner sous le trône du miséricordieux. Comment l'être humain n'ose pas se prosterner pour son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? La foi ne profitera en rien, comme ont dit les gens de science, car les signes seront tellement clairs et surprenants que khlas, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu trop facile. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, puis quand ils virent notre rigueur, ils dirent, فَلَمَّا رَأَوْا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. الله جل وعلا il parle de cela. D'accord? Et les ulama, ils ont dit, ça c'est quand ils vont voir les grands signes où la foi ne profitera en rien du tout. Allah, il parle de cet état-là dans Surat Al-Ghafir, ou Surat Ghafir, ici, il dit, puis quand ils virent notre rigueur, ils dirent, nous croyons en Allah seul. Ah, il rappelle ici le fait qu'ils vont croire et reconnaître At-Tawhid, l'unicité. Khlas, ils n'ont pas dit en Allah seul, Wahda, seul. Et renions ce que nous lui donnions comme associé à At-Tawhid. Là, ils ont bien compris c'était quoi Al-Shirk. Ils ont bien compris c'était quoi At-Tawhid. Mais leur croyance au moment où ils eurent constaté notre rigueur ne leur profitera point. Allah Jalla wa Ala l'a dit. Telle est la règle d'Allah Jalla wa Ala envers ses serviteurs. Wa khasira hunalika al-kafirun. Et Allah Jalla wa Ala dit, et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Donc on sait que à ce moment-là, la foi ne profitera en rien du tout. Parmi les grands signes, ici qui nous rappellent la puissance d'Allah Jalla wa Ala, et que les grands signes ne seront pas une mince affaire, et ici, les savants l'ont placé, d'accord, dans cet ordre chronologique si on veut ce signe-là, parce qu'ils disent que quand ce signe viendra, la foi ne profitera en rien du tout, ça sera trop tard. La preuve de cela, on va le voir. Là, on parle de qui et on parle de quoi? Ad-dabba. Ad-dabba, c'est la bête. La bête issue de la terre. Allah Jalla wa Ala en a parlé dans le Coran et le prophète alayhi salatu wa salam en a parlé aussi dans la sunna authentique. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, dans sourate An-Naml, dans sourate An-Naml, et quand la parole tombera sur eux, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir. Et quand la parole tombera sur eux, ça veut dire quoi? On va le voir. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête. Ça veut dire quoi une bête? C'est quoi exactement cette bête? Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qu'elle fera? On va le voir incha'Allah ta'ala. Allah a dit, nous leur ferons sortir de terre une bête. Qui leur parlera? Donc elle va parler. C'est Allah Jalla wa Ala qui a dit. Elle leur parlera. Donc ça veut dire que si elle parlera aux gens, c'est que les gens vont la comprendre. C'est une bête. Et les animaux, on sait que la règle de base, c'est que quoi? Ils n'ont pas la raison. Mais là, on déduit, comme on dit les gens de science, qu'elle aura la raison, qu'elle comprendra, qu'elle parlera, qu'on la comprendra, bi'idnillahi azza wa jal. Ensuite, Allah dit, les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Khlas. On voit la puissance d'Allah azza wa jal. On voit les grands signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, qu'Allah azza wa jal va faire apparaître. Et fawarab bil Ka'ba. Même si tu prends le plus grand des cinéastes, billahi alaykum, est-ce qu'il pourrait imaginer tous ces signes qu'on est en train de citer? Vous imaginez dans les détails, quand on a parlé par exemple de l'espionne, quand on a parlé de le Messie ad-Dajjal, est-ce que juste quand on citait ici le récit de Tamim ad-Dari, est-ce qu'on se croit pas dans un film? Est-ce que vous pensez qu'un cinéaste pourrait imaginer tous ces grands signes, fawarab bil Ka'ba? Plus que cela, il y a même des grands cinéastes qui ont repris certains de ces textes pour en faire entre guillemets à leur sauce certains films. Wallahi al-Adim, certains films. Et ici on voit, quand on parle de Ya'juj et Ma'juj, quand on parle ici de le Messie ad-Dajjal, quand on parle de Ad-Dabba, quand on parle de... On voit très bien ici que ce n'est pas possible que ça soit une personne analphabète, Mohammed alayhi afdalu salat wa as-salam, il y a 14 siècles, qui a sorti ça de lui-même. Ce n'est pas possible, regardez les détails. Et même nous, en 2012, après peut-être certains ont vu des films et des films qui sont sortis, d'accord, après avoir été, ou alors qui ont été ici, mis en scène par les plus grands des cinéastes, les plus grands des artistes, les plus grands, bayna qawsayn entre guillemets, des acteurs, etc. On est toujours étonné quand on lit ici ces récits concernant ces grands signes de la fin des temps. Et on est surpris par les détails. Et ça nous fait même voyager. Et on se croit même, entre guillemets, je dis bien, dans un film. Mais ce n'est pas un film, ça sera une réalité. Et ça, c'est la preuve que Muhammad alayhi afdalu salati wa taslim, هو الذي لا ينطق عن الهوى أرسله جل وعلا رحمة للعالمين. Et c'est lui le dernier des prophètes et des envoyés, celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala a dit ces versets coraniques et il nous parle de cette bête qui parlera. Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a expliqué ce verset coranique et il dit rahimahullah ta'ala, ce noble verset a cité l'apparition de Ad-Dabba, c'est-à-dire la bête, et que cela se produira lorsque les gens seront corrompus, qu'ils délaisseront les ordres d'Allah et qu'ils changeront la religion de vérité. Alors Allah Jalla wa Ala leur fera sortir une bête de la terre qui parlera aux gens de tout cela. Les savants ont expliqué le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit, et il a rappelé à quel moment elle va sortir la bête, et quand la parole tombera sur eux. Les savants ont dit, c'est-à-dire lorsque l'exécution de la menace leur incombera à cause de leur entêtement dans la désobéissance. Ah, quand il y aura tellement d'égarements, tellement de désobéissance, ici, la foi elle ne profitera plus en rien du tout. Ah, on a parlé, comme on dit certains gens de science, ici, que ce signe-là va venir quand la foi ne profitera en rien du tout. Pourquoi ? On va le voir, bi-idhnillah azzawajal, quelles sont leurs preuves. Donc ici on peut déduire que ça sera au moment où khlas, le soleil s'est levé de son couchant. Ici ils disent, la parole tombera sur eux, c'est-à-dire lorsque l'exécution de la menace leur incombera à cause de quoi ? À cause de leur entêtement, dans la désobéissance al-ma'asi. Ici la perversion et la turpitude, de leur opposition au signe d'Allah Jalla wa Ala, de leur renoncement à la méditation de ceci, et le délaissement de leur sagesse. Puis quand ils en arrivent dans les péchés à un point où aucune exhortation n'a de succès avec eux et aucun rappel ne les détourne de leur déviance, khlas, Allah va ramener une bête qui va leur parler. Comment elle va réagir? On va le voir bi-idhnillah azza wa jalla. Donc on voit qu'Allah jalla wa ala châtie et descend ici ou descendra ces grands signes lorsque les gens seront pas dans l'insouciance mais noyés dans l'insouciance jusqu'à ce que les exhortations, les rappels ne profiteront ou ne profitera à rien du tout. Et là on est dans une période wal'iyadu billah qu'on est en train de décrire, très difficile, très dure, où la foi ne profitera en rien, où le Coran sera élevé jusqu'à ce que les gens n'auront même plus de quoi, de Coran même dans leur poitrine, wal'iyadu billah. C'est à quel moment? C'est à ce moment là on va le voir par la suite inshallah ta'ala. Donc on voit que c'est une période, comme on dit les gens de science, et comme on va le voir bi-idhnillah azza wa jal, de grande insouciance et de grands délaissements de la science. Les ulama ont dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savants, d'après les textes comme on va le voir, il n'y ait plus de science, il n'y ait plus de savants, et il restera à ce moment-là que les pires des gens, les plus mauvais des gens, les plus corrompus des gens, wal'iyadu billah. Donc ça c'est la preuve, ayyuhal ahibba, que plus la personne s'éloigne de la science, tombe dans l'insouciance, et plus les maux sont énormes, impressionnants, considérables, et font des dégâts, wal'iyadu billah. Le fait de s'éloigner de qui? De quoi? De al-ulama et de al-ilm al-shar'i. Et on le voit au jour d'aujourd'hui, où malheureusement, quand on apprend la religion aux gens, les gens sont très peu intéressés, illa man rahim Allah. Alors que quand tu vois des réunions ou des rassemblements, d'accord, juste simplement pour ici un divertissement ou autre, tu vois des milliers de personnes accourir et affolées et excitées. Et ici qui se déplacent, même et qui font des milliers de kilomètres. Donc on voit que on s'approche du châtiment, wal'iyadu billah, c'est-à-dire de ces grands signes de l'heure. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous préserver. Ici, Allah Jalla wa Ala, il parle de la bête. Le prophète alayhi salatu wa salam a parlé de la bête. Donc elle va raisonner, elle va comprendre, elle va parler. Rentrer dans les détails, comment elle est la bête exactement, ou c'est qui la bête, on va le voir inshallah ta'ala. D'abord, on rappelle ce texte. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, a dit, la parole tombera lorsque les savants mourront, que la science disparaîtra et que le Coran sera levé. Donc on voit que la bête va venir et elle va apparaître quand les savants vont mourir. Donc là, ça nous montre encore l'importance de quoi ? Al-ilm wal-ulama. Regardez la science et les savants. Quand il n'y a plus de savants, il n'y a plus de science, il ne peut avoir que le masaïb, que le fitan, que des malheurs, wal'iyadu billah. Donc la preuve qu'on doit accorder un énorme respect à la chose qui a de plus importante sur la surface de la terre, c'est-à-dire al-ilm al-shar'i, la science légiférée. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit comme ja'a fi sahih, ad-dunya mal'una, la vie d'ici-bas elle est maudite, et elle est maudite et tout ce qu'elle contient. Illa, sauf ici celui qui enseigne la science ou bien quelqu'un qui apprend la science. Ici, ça, je prends une partie du hadith et j'insiste sur cette partie-là. Le prophète Aïssoum, il dit sauf aliman, sauf un savant, ou bien celui qui apprend, talibul ilm, celui qui demande la science. Regardez l'importance de quoi al-ilm. Mais avant ça, il dit la vie, elle est maudite. Donc le plus important dans cette vie, c'est la science. Quand la science est levée, quand ici il n'y a plus ou il n'y aura plus al-Qur'an, ça veut dire quoi? On va le voir. Il n'y aura plus de savants, ad-dabba va sortir. Est-ce qu'on s'approche? Regardez les mosquées, comment ils sont pleines. Ici, à déborder, quand il y a même des savants qui donnent des cours. Certes, il y a des assemblements, des cercles d'invocation qui sont pleins. Mais quand on regarde la majeure partie des assemblées de sciences et qu'on regarde la proportionnalité, combien il y a de musulmans dans une ville et combien assistent au cercle d'évocation de sciences, on voit qu'il y a une énorme différence, malheureusement, l'il Asaf. Il dit ensuite, multiplier la récitation du Coran. Donc, il a dit, et il rappelle que le Coran sera levé. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Ça veut dire quoi, le Coran sera levé? Il n'y aura plus de Coran. Les pages seront vides. Les gens voudront lire le Coran, il n'y a plus de Coran. Les gens, ils vont dire, khlas, on s'en rappelle, ils se rappelleront plus. Khlas, il n'y a plus le Coran. Ici, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, multiplier la récitation du Coran avant qu'il ne soit levé. On demanda, ces pages seront enlevées? Qu'en sera-t-il de ce qui est dans les poitrines des hommes? Khalas, il n'y aura plus de pages, on verra plus, les pages seront vides, il n'y aura plus rien, plus de Coran. Et il dit, qu'en est-il de ce qu'il y a dans les poitrines des hommes? Il répondit, on l'emportera de nuit, ainsi au matin, ils en seront dépourvus de toute trace du Coran. La nuit, il va être élevé le Coran, il n'y aura plus de Coran. Les gens vont se réveiller le matin, ils ne connaîtront plus rien du Coran. Ensuite, il dit, ils oublieront même la ilaha illallah. Même ça, ils auront oublié cette parole. La ilaha illallah, la meilleure, la plus importante des paroles, khlas, ils l'auront oublié. Donc on voit que les gens qui vont rester, c'est qui? C'est les plus mauvais des gens, wal'iyadhu billah. Ils auront oublié même cette parole, la ilaha illallah, et auront recours aux mêmes paroles des gens du temps de l'jahiliya, de l'ignorance, et leurs poèmes. Cela lorsque la parole tombera sur eux, wal'iyadhu billah. Donc la preuve que quand t'as pas قال الله وقال الرسول tu sors قال نفسي وقال انا وقال فلان وقال. Donc c'est khlas, t'es obligé de te baser sur quelque chose. Donc tu vas te baser sur quoi? Tes passions, sur toi tu as dit, sur fulan a dit, sur, et donc ils vont revenir au temps de l'ignorance et ils vont sortir des poèmes. Et donc voilà, on voit que leur vie ne sera plus régie par قال الله وقال الرسول بفهم سلف الامه. C'est la preuve qu'il n'y aura plus de bien, والعياذ بالله, dans ces gens-là. At-Tabarani, il rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit, on vous retirera le Coran. On vous retirera le Coran. On lui a dit, oh Abu Abdurrahman, comment nous le retirera-t-on alors que nous l'avons bien fixé dans nos cœurs et écrit dans nos exemplaires du Coran? Et il dit, radiyallahu anhu, une nuit viendra, au cours de laquelle rien ne sera laissé ni dans le cœur d'un fidèle, ni dans un exemplaire. Et au lendemain, les gens seront comme des quoi à votre avis? Comme des bêtes. Les gens seront comme des bêtes. Donc Allah va leur amener une bête. C'est ce qu'ils méritent. Et Allah, Jalla wa'ala, il parle de ces gens-là qui ressemblent aux bestiaux, même qui sont pires encore. Ce sont qui? Ulaika humul ghafilun. Ceux-là sont certes les insouciants. Regardez la gravité de l'insouciance. C'est-à-dire se détourner. Ici, se détourner du rappel d'Allah. Être noyé par les choses éphémères de la vie d'ici-bas. Le confort, l'argent, le matériel, tout ceci, ça te pousse à être quoi? Insouciant. Wal'iyadhu billah. C'est quoi le résultat? Tu ressembles ou tu es pire. Ulaika kal an'am. Allah dit, belhum adal. Ceux-là sont comme les bestiaux, pire encore. Ulaika humul ghafilun. Et ceux-là seront comme des bestiaux. Allah va leur ramener la bête. Le prophète ici, il nous l'a rappelé dans plusieurs récits prophétiques et je ne cite pas tous les récits. Et ici, on voit un athar de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, qui a dit, et ici, au lendemain, les gens seront comme des bêtes. Et puis, il récita les paroles d'Allah Jalla wa Ala quand il dit subhanahu wa ta'ala, si nous voulons, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé. C'est-à-dire, al-Qur'an al-Karim. Et tu n'y trouveras par la suite aucun défenseur contre nous. C'est alors qu'Allah Jalla wa Ala décrétera que la Kaaba soit détruite par une personne d'Abyssinie. Donc, khalas, il n'y a plus le Coran. Les gens sont comme des bêtes. Ah, on a dit que la Kaaba, Allah Jalla wa'ala, il parle de ce lieu sûr. C'est un lieu de sécurité. Mais comment ça se fait que la Kaaba va être détruite? Khalas, il n'y a plus personne qui pourra ou qui mérite de profiter de la Kaaba. C'est à ce moment-là, qawlul rajih min ahli al-ilm, qu'Allah Jalla wa'ala aura ici élevé le Coran. Il n'y aura plus de Coran, ni dans les livres, ni dans les poitrines. Et à ce moment-là, il y aura cet homme noir d'Abyssinie qui va détruire la Kaaba. Rapporté par l'imam al-Bukhari, ici, selon Abu Huraira, il a dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit, la Kaaba sera détruite par un Abyssin du nom de Zu Suwayqatayn. Allah enlèvera le Coran de la terre, de sorte qu'un seul verset n'en restera ni dans les exemplaires du Coran, ni dans la poitrine ou les poitrines. C'est parce qu'Allah est trop jaloux de son livre pour le laisser sur la terre quand il ne sera plus appliqué. Subhanahu wa ta'ala. Allah, il est trop jaloux de son livre pour le laisser sur la terre quand il ne sera plus appliqué. Ça, c'est la preuve que c'est un honneur d'avoir le Coran al-Karim qui aujourd'hui, chez beaucoup de familles, est posé sur des vitrines pour décorer. Alors qu'il viendra une époque où Allah Jalla wa Ala rappellera à l'ensemble de l'humanité, et quelque part le prophète alayhi salatu wasalam nous l'a déjà rappelé, que c'est un honneur d'avoir reçu Al-Qur'an Al-Karim, de pouvoir l'avoir entre tes mains facilement. Tu tournes à droite, tu peux prendre un Coran. Tu vas dans n'importe quelle mosquée, tu vas et tu prends un Coran. Tu peux t'asseoir chez toi et lire Al-Qur'an, très facile. Mais il y a un moment où il ne sera plus possible de lire Al-Qur'an Al-Karim, car Allah sera trop jaloux de laisser Al-Qur'an Al-Karim, qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de Al-Qur'an, il a dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Mais nous on lit les versets إلا من رحم الله, mais on ne médite pas. Et quand tu lis ce qui va se passer, tu te rends compte de l'importance du Coran et l'importance d'appliquer Al-Qur'an. Et quand on délaisse Kalamullah, Kalamur Rahman, c'est quoi? Al-Fawda. C'est quoi? Al-Balbala. C'est l'anarchie. C'est la pagaille, c'est les problèmes, c'est le stress. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Pourtant, ça c'est la preuve que le Coran c'est une solution pour vivre une vie pleine de bonheur et de joie. Celui qui s'écarte de mon rappel, Allah dit dans le Coran, il vivra une vie pleine de gêne, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Regarde ici, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Allah Jalla wa'ala, regardez. Ici, il a instauré des règles dans le Coran al-Karim. C'est un livre qui nous permet de vivre une vie de joie, de bonheur, non seulement ici-bas, mais ici-bas et dans le-delà. C'est un mode d'emploi pour pouvoir se comporter, marcher, parler, manger, boire, se comporter avec Allah, avec les anges, avec les gens, avec les animaux, avec les musulmans, avec les non-musulmans. Quand on l'abandonne, tu es comme un orphelin, tu es comme une personne qui est perdue, qui n'a reçu aucune éducation et tu fais tout et n'importe quoi. Wal-iyadu billah. Et quand tu abandonnes des versets coraniques, ici, il ne faut remettre la faute que sur toi-même, wal'iyadu billah, quand il t'arrivera des malheurs, et certes, il t'arrivera des problèmes graves. Prends juste simplement l'exemple d'une entreprise, par exemple, walillahi al-mathalu al-a'la, d'une entreprise, ou d'une mosquée, où il est un responsable, et il y a plusieurs avis qui divergent. Walakin, tout le monde est d'accord sur le fait que le responsable, c'est lui qui tranche. Et quand il décide d'une chose, tout le monde doit s'y plier, et à ce moment-là, on sait qu'il y aura une certaine stabilité, quand les gens seront disciplinés et se seront conformés à la décision finale du responsable. Et c'est là où tu vois qu'il y a une bonne ambiance, un bon environnement. Et si tout se passe bien, dans une mosquée, dans une entreprise, dans une ville, dans un pays, face avec le gouverneur, etc. C'est-à-dire quand on prend en considération la parole, la décision du responsable. Mais quand les gens, ils s'opposent à ce qu'a dit le responsable, ça commence à être quoi? Les problèmes, la pagaille, la désunion, la division. Walillahi al-mathalu al-a'la. C'est une vérité ou pas? Que dire de la parole d'Allah Jalla wa Ala? Allah Jalla wa Ala nous a donné des règles. Quand on s'y plie, quand on dit sami'na wa ata'na, et on dit pas sami'na wa asayna, on a entendu et on désobéit. Non, on a entendu, on a obéi. Quand on met en application le verset coranique, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, Ah, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est là, il te rappelle, tu dois te conformer à 100%. Quand tu te conformes, tu vis une certaine stabilité, une bonne ambiance. Tu vis dans un bon environnement. Tu vis, alhamdoulilah, une vie de bonheur, de joie, d'apaisement. Mais quand tu t'opposes à la décision finale, qui est « قال الله ». D'accord ? Comme le prophète faisait. Ah, si ici, on fondait cette règle sur nos passions, sur nos avis, sur al-aql, etc., il y aurait ceci, ou cela, kada wa kada, walakin qala rasulullah. Sahaba, il disait, ou il vient, qala Allahu azza wa jal. Sinon, on se plie à qala Allah wa qala rasul, khlas, une stabilité. Mais quand on s'oppose, c'est à ce moment-là où tu vois que quoi? Il y a des désunions, il y a la pagaille, il y a l'anarchie, il y a le fawda, il y a le balbala, il y a des problèmes, il y a des malheurs. Pourquoi? Parce que quand tu ne prends pas une haute autorité, le législateur comme référence, Allah Jalla wa Ala, ici, khalas, tu vas t'opposer à son commandement, il peut avoir que des problèmes. Donc nous disons, ayyuhal ahibba, on doit se plier à qala Allah, se soumettre à la parole d'Allah, lire le Coran, le méditer, mais le mettre en application. Et ne pas être comme les gens qui diront, nous avons entendu, ah, mais ils désobéissent, wal'iyadu billah. Allah le dit. Non. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ah, tu prouves ta parfaite soumission. Tu as entendu, tu appliques. Et tu sais, et tu reconnais, et tu prends en considération comme il se doit, que le retour sera vers Allah Azza wa Jal. Tu vas mourir. Innakum mayitun. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Tu vas mourir. Khlas. Donc, ça, c'est les gens qui ont considéré Al-Quran Al-Karim comme il se doit. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans la sunnah, rapporté par l'imam muslim selon Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, il est trois choses qui, lorsqu'elle apparaîtra, ou elles apparaîtront, la foi ne profiteront à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant. Khalas, il parle de trois choses. Quand ils vont apparaître, al-iman, la foi ne profitera à rien du tout. Et ici, il dit, le lever du soleil de son couchant, طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. Il dit El Messie al-Dajjal, et il dit la bête de la terre qui sortira de la terre, issue de la terre, comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a rappelé dans un hadith qu'on va voir inshallah ta'ala. Cette bête, qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wa sallam, il parle de cette bête et il dit تخرج الدابة, la bête sortira, elle marquera les gens sur leur nez, puis ceux-ci seront nombreux parmi vous, au point que lorsqu'un homme achètera un chameau, on lui demandera de qui l'as-tu acheté, il répondra de l'un des marqués. Khlas, les gens remarqueront cette marque, c'est pas elle sera invisible ou on la verra, non, khlas, ça sera des gens qui seront marqués. C'est qui va marquer les gens sur le nez? Ad-dabba. C'est la bête. Dans un autre hadith, selon Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit, la bête apparaîtra munie du bâton de Moussa alayhi salam et du sceau de Sulayman alayhi salam wa khatam Sulayman alayhi salatu wasalam. Elle marquera l'infidèle. Et un des transmetteurs précise le nez de l'infidèle, de celui qui n'aura pas cru, du sceau, et ici, et fera resplendir le visage du croyant avec le bâton, au point que les gens se réuniront autour de leur table. Donc, elle va marquer l'infidèle, et elle va être la cause que le visage rayonne du croyant vertueux. Le visage du croyant avec le bâton. Donc il frappera ou il touchera le visage du croyant avec le bâton, au point que les gens se réuniront autour de leur table de repas et que l'un dira au croyant et l'autre dira au mécréant. Khalas, ça sera marqué. Donc ça y est. C'est pour ça que les gens de science ils disent ici, il n'y a plus de repentir maintenant. C'est khalas, la décision est prise. Croyant ou mécréant. Rapporté par l'imam Ahmed, jugé faible par Sheikh al-Albani, walakin jugé bon par Ahmed Shakir, car il y a dans la transmission du hadith Zayd ibn Jad'an, qui est considéré comme une personne qui n'est pas fiable par Sheikh al-Albani, mais fiable pour ici l'imam Ahmed Shakir. Wallahu a'lam. De quelle espèce est-elle? Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il dit, Et il y a plusieurs avis, mais on va voir la parole prépondérante. Il s'agit du petit de la chamelle de Salih, le prophète Salih. La bête, il s'agit du petit de la chamelle de Salih. D'autres disent que c'est l'espionne. L'espionne, pourquoi elle est appelée l'espionne? قال العلماء, parce qu'elle va rapporter les informations à qui? Al-Masih al-Dajjal dans la grotte. Donc c'est une espionne. D'autres disent que c'est une espionne. D'autres disent que c'est un être humain. ولكن قول الراجح, c'est une bête issue de la terre qui parlera. Un point, c'est tout. On n'a pas le droit de donner des interprétations, d'accord, à des choses dont le prophète alayhi salatu wa sallam ne nous a pas donné de détails. L'endroit où elle apparaîtra, dans un hadith rapporté par At-Tabarani, la bête sortira de la meilleure mosquée, c'est-à-dire la Mecque. Ici, où il y a la Kaaba. Baytullah al-Haram. C'est de là-bas où elle sortira la bête. Et donc la fonction, on a vu la fonction de la bête. Bi'tisar, incha'Allah ta'ala, le dernier des signes, c'est un feu. Un feu qui rassemblera les gens. Donc il y a eu la bête, on a parlé khlas. La foi, elle profite plus en rien. On a parlé de Al-Masih Dajjal avant ça, on a parlé des trois engloutissements, on a parlé de Dukhan, on a parlé ici de ces signes-là qui vont venir bi'idnillahi azza wa jal. Parmi les signes, ou disons plutôt le dernier des signes, un feu qui rassemblera les gens. D'où va apparaître ce feu? Et il va rassembler les gens vers où? Comment va se passer ce rassemblement? On va le voir incha'Allah ta'ala. Rapporté par l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa akhiru dhalik narun takhruju min al-Yaman. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit et le dernier de tout cela, c'est un feu qui sortira du Yémen, repoussant les gens vers leur lieu de rassemblement. Donc il y a un feu qui va sortir du Yémen et qui va repousser les gens vers le lieu de rassemblement. C'est un feu qui sortira du côté du Yémen. Il se propagera sur la terre et conduira les gens vers la terre du rassemblement. Où exactement est cette terre du rassemblement? Certains disent que la terre du rassemblement, c'est le Shem, et c'est Al-Jumhur, et c'est Qawlul Rajih, d'après les textes authentiques. Le Shem. On revient et on parle encore de quoi? Al-Shem. Et vous voyez que, ici, tous les derniers événements de la fin des temps, si ce n'est la quasi-totalité, se passeront où? Al-Shem. On a parlé de la descente de Isa, alayhi salam. Ça sera où? Ça sera où la descente de Isa? Al-Shem, plus précisément, Dimashq, Damas. On a parlé de Al-Masih al-Dajjal qui va être combattu. Les gens vont se rassembler et vont le combattre. Ça sera où? Al-Shem. Et là, on parle ici des gens qui vont être rassemblés dans la terre du rassemblement. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, c'est où? Al-Shem. Regardez, Al-Shem a une histoire et aura une histoire. Et pourquoi Al-Shem? On va le voir bi'idnillahi azza wa jal. Elle a reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wasalam. Et le prophète alayhi salam ne parle pas poussé par sa passion. Donc Allah lui a révélé ça. C'est une terre bénie, Al-Shem. Ici, plusieurs hadiths, et parmi eux, l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, c'est ici que vous serez rassemblés, et il montra le Shem, la direction du Shem. Dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, en indiquant le Shem, il l'a répété trois fois, et tous ces hadiths, ils sont jugés authentiques. C'est ici que vous serez rassemblés. C'est ici que vous serez rassemblés. C'est ici que vous serez rassemblés. Al-Shem. Donc les gens seront rassemblés ici à Al-Shem. Pourquoi Al-Shem? Certains savants ont dit, car le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé l'importance et les bienfaits qu'il y a dans Al-Shem. Il dit, comme dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, certes la foi quand éclateront les troubles, al-fitan, se trouvera au Shem. Le prophète a dit quand les troubles, al-fitan, vont éclater, al-iman sera où? Al-Shem. Ici, le prophète a dit, dans un autre hadith, rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh al-Albani, l'affaire se poursuivra en sorte que vous serez des armées différentes. L'affaire se poursuivra en sorte que vous soyez des armées différentes. Le prophète a dit, il y aura différentes armées. Et il dit, alayhi salatu wassalam, une armée au Shem. Il y aura une armée au Shem. Une armée au Yémen et une armée en Irak. Il a dit, il y aura trois grandes armées. Et ici, un compagnon a dit, choisis-moi au messager d'Allah la meilleure si je connais cela. Et il, alayhi salatu wassalam, a dit, rends-toi au Shem. Il dit, alayhi salatu wassalam, rends-toi au Shem. Il y a les trois armées, c'est laquelle la meilleure? L'armée qui sera où? Au Shem. Et il dit, car c'est la terre élue d'Allah. Il a dit, c'est la terre élue d'Allah. Qu'il réserve à qui? Aux élus d'entre ses serviteurs. Mais si vous refusez, alors je vous recommande votre Yémen. Et puisez l'eau de vos étangs, car Allah s'est chargé pour moi du Shem et de ses habitants, en sorte que les troupes ne les attendront pas. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. De plus, comme on a dit, Isa alayhi salam, ici, c'est au Shem qu'il descendra. Et le combat contre le faux messie, ça se passera où? Au Shem. Mais al-ulama ont dit qu'il y a deux rassemblements. Et c'est la parole prépondérante de al-jumhur aussi, de la majeure partie des gens de science. Il y aura deux rassemblements. Il y aura un premier rassemblement qui sera dû à ce feu. Ah, ce feu va commencer à prendre de l'ampleur. Et ici, les gens vont se déplacer. D'accord? Bon gré, mal gré. Ils n'auront pas le choix. D'accord? Même ceux qui veulent pas, ils n'auront pas le choix. Tellement que le feu va tout ravager, ils seront obligés de se déplacer. Et ils vont se déplacer. Ils vont se déplacer. Ils vont se déplacer jusqu'aux terres, à la terre du rassemblement, c'est-à-dire Hachem. Tout le monde sera rassemblé là. Il y a des gens, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans d'autres textes authentiques, qui seront dévorés par le feu. Ils seront morts. Il y a des gens qui seront à monture. Il n'y aura presque plus aucune monture. Dans un autre hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ah, ils céderont dans les montures. Quelquefois, il y aura certaines personnes qui monteront sur une monture, d'autres marcheront. Ensuite, il y aura d'autres personnes qui vont remonter sur la monture, les autres descendront, etc. Donc, ils vont se prêter des montures. Et d'autres personnes, khlas, ils seront plus à l'aise. Ils auront des montures, ils auront ici de quoi manger, de quoi boire, et ils se dirigeront de eux-mêmes à Shem. Ce qui veut, ou ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse principalement, c'est le fait de savoir que le feu va tout ravager et va forcer les gens à se déplacer jusqu'à arriver à la terre du rassemblement qui est Shem. Ça, c'est le premier des rassemblements. Clair? Et ce rassemblement, il aura lieu avant le soufflement dans la trompe et avant le jour de la résurrection. Ça, c'est un premier rassemblement. Ensuite, il y aura quoi? Le deuxième rassemblement. Quand il y aura quoi? L'ordre à Israfil de souffler dans la trompe. Deux fois et trois fois selon une version. Donc ici, il soufflera, et quand il soufflera la dernière fois, donc ici, à ce moment-là, les gens vont ressusciter. Ah. Là, les gens vont ressusciter, et là, ça sera le deuxième rassemblement. Dans Ardul Mahshar. La terre du rassemblement. Et là, c'est à ce moment-là où, comme le prophète alayhi salatu wassalam dit dans Sahih al-Bukhari, ils vont ressusciter uratan hufatan. Ils vont ressusciter ici, nus, les pieds nus, non circoncis. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le Bukhari, le premier qui sera habillé au jour de la résurrection, alors que les gens vont ressusciter nus et pieds nus, ça sera Ibrahim Khalil al-Rahman, l'ami intime du miséricordieux. Ça sera le premier qui sera habillé au jour de la résurrection. Comme a dit Sahih al-Bukhari. Donc ici, ça c'est le deuxième rassemblement. Mais amma, le premier rassemblement dont on parle, qui sera dû au feu, d'accord, qui va sortir et pousser les gens vers le Shem, ça c'est le rassemblement qui aura lieu, bien sûr, avant le soufflement dans la trompe et avant la résurrection. Ceci est important pour bien comprendre comment ça va se passer. Et avant de terminer ici, je tiens à rappeler que quand il y aura les pires des gens, wal'iyadu billah, c'est là où Allah Jalla wa'ala, ici, va décider que l'heure va venir. Elle va tomber l'heure sur les gens les pires, les plus mauvais. Mais où seront les croyants? Et comment Allah Jalla wa'ala aura appelé les croyants vers lui? Rapporté par l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes Allah Jalla wa'ala enverra un vent du Yémen. Et dans une version, c'est du Shem. Dans une version, il y a un vent qui va venir du Yémen. Et dans une version authentique, c'est du Shem. Ce vent-là, il est pour les croyants. Plus que cela, ceux qui n'auront ne serait-ce que le poids d'un atome de Iman dans le cœur, Allah Azza wa Jalla va les préserver de toutes ces grandes épreuves. Et ils n'assisteront pas à l'heure qui sera terrible. Wal'iyadu billah. Ici, dans une version du Shem et dans une version du Yémen, il n'y a pas de contradiction. Certains gens de science ont dit, peut-être il y aura deux vents. Et qawlu rajih, peut-être qu'elle va commencer soit du Shem jusqu'à arriver au Yémen, ou bien du Yémen jusqu'à arriver au Shem. Ça peut être le même vent, mais qui vienne du Shem et du Yémen aussi. Ala kulli hal, dans ce hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Certes, Allah enverra un vent du Yémen, plus doux que la soie, Al-Harir, qui ne laissera personne ayant dans le cœur, ne serait-ce le poids d'un atome de iman, de foi, sans qu'il ne l'emporte. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, c'est alors qu'Allah jalla wa ala enverra un vent agréable qui les saisira par dessous leurs aisselles et qui prendra l'âme du tout croyant du croyant ou de tout croyant et tout musulman. Il ne restera que les pires des gens sur la surface de la terre qui copuleront, wal'iyadu billah, tels les ânes. C'est eux que l'heure surprendra. Encore Allah jalla wa ala compare ces insouciants, oulaika kal an'am bal hum adal, oulaika humul ghafilun, à quoi? À des bêtes, wal'iyadu billah. Il dit, ici il ne restera plus que les pires des gens qui copuleront tels des ânes. Donc ici il y aura les croyants, les musulmans, qui seront préservés de l'heure et de cette grande épreuve qui va toucher beaucoup d'êtres humains sur la surface de la terre, wal'iyadu billah. Et ça, c'est le dernier des grands signes. Et ensuite, on passe à la seconde étape, bien sûr, qui est le soufflement dans la trompe, la résurrection, et ici, les comptes dans l'au-delà, bi-idnillahi azza wa jal. Donc, on a terminé, bi-hamdillahi azza wa jal, wa bi-hamdihi subhanahu wa ta'ala, ici, cette série de 30 cours à peu près, concernant les signes de la fin des temps. Donc, j'espère que vous aurez profité comme il se doit, et méditer comme il se doit sur ces grands signes de la fin des temps. Et j'espère que Allah Jalla wa Ala nous bénisse cette série et nous accorde sincérité et véracité à travers nos paroles et nos actes. Innahu wali wa dhalika wal qadir wa alayhi. Et bi idnillahi azza wa jal, comme prévu et comme promis, wa billahi tawfiq. La semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, tous les samedis, entre le Maghrib et l'Isha, on commence une nouvelle série. C'est le Sharh de l'Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, avec l'explication principale, et pas que seulement, mais principale de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.